En Corée, la province du Pyongan du Nord soutient vigoureusement le relèvement des dégâts de la province du Hamgyong du Nord, la plus importante affaire de la campagne de 200 jours. Les fonctionnaires des établissements de la province, y compris le comité populaire, le département de télécommunications, ont mobilisé toutes les réserves et possibilités, ont envoyé beaucoup de matériel d'assistance aux sinistrés. La classe ouvrière du complexe de construction mécanique de Lagoon a fabriqué dans un court laps de temps les excavateurs hydrauliques et les a envoyés au secteur du relèvement, alors que les ouvriers de l'usine chimique de Ponghwa ont envoyé des milliers d'articles indispensables à la vie de 20 espèces, comme les vestes ouatées, les couvertures, les ustensiles, etc. Les cadres et le personnel relevant du département halieutique de cette province ont eux aussi envoyé beaucoup de matériel de construction, des aliments, des habits, des chaussures et des articles scolaires aux sinistrés. Les habitants de la ville de Sinizhou, de l'arrondissement de Tonglim et d'autres sont engagés comme un seul aux travaux d'assistance pour les sinistrés. Les fonctionnaires et les cheminots de l'annexe de la direction des chemins de fer de Sinizhou remportent tous les jours des succès dans leurs transports et se trouvent toujours à la tête dans les aides des sinistrés.